Vous êtes dans le show du matin à Radio X, live à radiox.com pour nous écrire directement studio 670-9098. Pour nous rejoindre par téléphone, vous êtes sur la route, il y a des problèmes de circule, il y a des choses à signaler, la neige tombe, ça s'accumule, je sais pas, carré 98.1, vous nous rejoignez en tout temps. Un peu spécial, ce que des personnes se permettent quand elles pensent avoir une bonne cause entre les mains. Puis souvent, les personnes qui s'en permettent le plus, c'est les gens qui dénoncent tout, sur toutes les tribunes. Dans le domaine de la saloperie, y a-tu quelque chose de plus crétin, salaud, débile, méchant, que de donner et les numéros de téléphone et les adresses des résidences privées de personnes qui sont au centre de l'actualité pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Dans une société où on nous empêche de publier l'adresse des pédophiles et des agresseurs d'enfants... Qui sont reconnus coupables. Qui sont reconnus coupables. Qui sont un risque. Pourquoi les mêmes personnes qui me disent que c'est le droit à la vie privée qui prime quand je veux connaître l'adresse d'un agresseur sexuel, pourquoi ces mêmes personnes-là donnent des adresses privées, par exemple, de police qu'on trouve qu'ils font mal leur job ou de police qui se font pogner dans une conversation téléphonique qui était supposément privée à traiter les carrés rouges de gratteux de guitare puis de pelleteux de nuages? Comment ça se fait que des gens qui nous disent vouloir la démocratie, vouloir la gratuité scolaire, vouloir un paquet de belles choses pour l'humanité. Mais ça se fait que ces gens-là vont publier l'adresse et le numéro de téléphone d'un gars que ce qu'il a fait de plus grave dans sa vie, c'est qu'il s'est levé un bon matin, il a vu qu'il se ferait pas donner son cours. Il a décidé qu'il se ferait donner son cours. Parce qu'il a regardé dans la loi et il est supposé de recevoir un cours. Légalement. Ça se peut-tu un jeune qui veut se dépêcher de finir ses cours, d'avoir son diplôme, puis d'être quelqu'un de productif dans la vie, puis de se garocher sur le marché du travail? Ça se peut-tu, ça? Ça se peut. Le gars, tel David, contre un immense Goliath de gauche, a décidé d'aller en justice, puis a décidé d'essayer de faire valoir ses points. Il a gagné sur toute la ligne. Qu'est-ce qu'on fait? On publie son adresse privée et son numéro de téléphone sur des Facebook, puis on incite le monde à l'appeler pour l'engueuler, puis à lui faire des menaces, puis à lui faire de l'intimidation. Gabriel Nadeau-Dubois n'est pas sorti pour dénoncer cette manière de faire, hein, en disant qu'il allait lui aussi suivre le cours normal de la justice, puis d'aller en appel, puis que ça c'était de l'intimidation, puis c'était pas correct. Il n'est pas sorti, hein? Non, il est pas sorti. Il y avait des choses beaucoup plus importantes à faire, entre autres parler de l'orientation pétrolière du gouvernement de Pauline Marois. Ouais. Il y a beaucoup de choses, moi, qui me rendent mal à l'aise. Puis on le voit, là. On pense qu'on a une société qui respecte la démocratie, mais pas toujours. Et il y a des gens, des extrémistes de gauche, de plus en plus, qui me dérangent dans leurs agissements puis dans leur philosophie. Quelque chose fait pas mon affaire. Non seulement on va pratiquer l'intimidation puis le bullying, il y a des chroniqueurs puis des blogueurs qui sont super bons là-dedans, mais on va pousser ça un cran puis deux crans plus loin. Imaginez ce matin que je vous la donne, l'adresse de la résidence privée de Gabriel Nadeau-Dubois, s'il y en a une. Si je vous donne l'adresse de son bloc, ça prend combien de minutes, d'après vous autres, avant qu'on me retire des ondes? Je parlerai pas d'heure, on va parler de minutes. Ah, tu reviendras pas non plus. Pourtant, on fait la même chose. Puis ça fait 3 fois qu'on le fait, 4 fois qu'on le fait, que je le sais, là. À ma connaissance, ça fait 4 fois que sur des Facebook de gauche, où beaucoup de détraqués se tiennent, on a rendu public l'adresse de la résidence privée de Jean Charest. On a rendu public l'adresse privée de Richard Martineau. On a rendu public l'adresse privée de matricule 728. Mm-hmm. Et pour pousser le ridicule encore un petit peu plus loin, la personne qui a rendu public l'adresse privée de matricule 728, c'est un prof d'éthique qui a encore sa job. Incroyable, un prof d'éthique. Un gars qui enseigne à des jeunes ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qui est éthique et ce qui est pas éthique, donne une adresse privé d'une police et garde sa job. Alors que logiquement, une direction qui se tient met ça dehors à grand coup de pied dans le cul. T'es prof d'éthique, t'as pas plus de jugement que ça. The wow, out! Et maintenant, ben c'est Jean-François Maurras qui a eu l'odieux de se battre en cour contre Gabriel Nadeau-Dubois pis ses menaces de petits baveux. L'adresse qui a été rendue publique, c'est même plus son adresse. C'est encore plus salaud parce que c'est des gens autour de lui qui ramassent le gros de la merde puis le gros du stress. Puis là, on parle pas d'un criminel, on parle pas d'un agresseur d'enfant, on parle pas d'un pédophile, on parle pas d'un violeur récidiviste. On parle d'un gars qui est allé se battre en cour pour faire respecter son droit. Il a gagné. Puis il a gagné sur toute la ligne. Jeudi, on lui a dit, effectivement, Monsieur Maurras, vous avez raison. Gabriel Nadeau-Dubois a prôné l'anarchie et a encouragé la désobéissance civile alors qu'il avait une injonction pour que Maurras, assiste à ses cours. Fait que tout ça, là, c'est tout légal, là. D'arriver avec de l'intimidation comme ça auprès de son entourage, c'est n'importe quoi, là. Puis en plus, le groupe qui a publié ça, c'est un groupe qui en nomme général... Pas, hein. Je vais vous lire un commentaire qui est rentré, là, puis regarde, c'est l'ex de Maurras qui vous a écrit directement. C'est un groupe qui publie des appels à la perturbation et à la mobilisation. Fait que ça fait partie des espèces de... Des fouteux de marde. Eux autres, les lois, c'est pas pour eux autres parce que leur cause est tellement bonne puis le petit nombril est tellement meilleur que le petit nombril des autres. Fuck les lois, fuck la démocratie, fuck la justice, fuck tout. Nous autres, on brasse de la merde. Et qu'il faudrait pas que des garlots de même publient mon adresse ou celle de mes parents ou des gens de ma famille. Je deviendrais très, très, très, très agressif. Il y a des choses que j'accepte pas dans la vie, là. D'aller jouer dans le garde-robe du monde pour faire de la menace puis de la petite intimidation, c'est l'affaire la plus cheap au monde. C'est plate du monde qui se croit tout permis. Oui. Ils sont aussi des lois, hein. Puis souvent, c'est des gens qui n'assument pas. Puis je m'explique. Moi, je vivrais dans un monde où à peu près tout est permis si je pouvais me permettre tout. Ouais. J'aurais aucun problème avec ça. J'ai le droit de me lever puis d'aller casser la gueule à quelqu'un qui m'écœure. Pas de problème avec ça. Sauf que souvent, ces fouteux de merde-là, c'est des gens qui veulent t'enlever le droit de donner ton opinion, qui veulent t'enlever le droit de t'exprimer, qui veulent souvent utiliser les lois à leur fin. Mais de l'autre côté, quand leurs adversaires utilisent les lois, ça marche pas. Quand leurs adversaires les attaquent au niveau des idées, ça marche pas. Il y a rien qui marche pas. Puis dans ce temps-là, ben là, tout est justifiable. Même donner des adresses de résidence privée sur des sites Internet. Parce qu'ils sont victimes d'une grande conspiration. C'est des gens qui sont victimes. C'est ça. C'est des grandes victimes. C'est pour ça qu'ils ont le droit. C'est une patinoire au hockey. Si tu penses que t'es victime d'accrochage, ça te donne-tu le droit de prendre ton bâton puis de le sacrer dans le front du joueur qui t'accroche? Non, hein. Ultimement, non. Non. Puis si tu le fais, ben il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences reliées à ça. Exact. Mm-hmm. Sidney Crosby est un bon exemple dans les dernières années. C'est arrivé une couple de fois qu'il a chialé, avec raison, qu'il se faisait accrocher, qu'il se faisait niaiser. Quand il a répliqué, habituellement, ce que les arbitres ont fait avec. Regarde, t'as bien beau être Sidney Crosby, t'as donné un coup de poing en face à quelqu'un, va t'asseoir deux minutes. Les lois, c'est pour tout le monde. Puis même si tu penses que ta cause est meilleure que les lois, ben les lois sont faites pour toi aussi. Ticone, chose. L'ex de Jean-François Maurras nous a écrit ce matin à 6h23. Je suis rouge de colère d'apprendre que je suis victime encore d'intimidation. Que ça soit diffusé sur des réseaux sociaux à un nombre quand même limité de personnes, c'est dégueulasse, mais je n'y peux rien parce que je présume un manque de connaissances juridiques. Mais de voir ce matin dans un journal qu'on mentionne le site en question, ça, je trouve ça de bas étage venant d'un quotidien qui a un soutien juridique. Il vise le Journal de Québec, puis effectivement, on va essayer de pas faire la même erreur, parce que quand tu donnes le nom d'un site Facebook, c'est facile à trouver, puis ça envoie du monde là, puis ça peut multiplier par deux ou par trois le nombre de personnes qui voient ton adresse puis ton numéro de téléphone. C'est encore affiché ce matin? Oui, je suis allée il y a à peu près une dizaine de minutes de ça, puis malgré la demande de retrait, c'est encore affiché. Il y a des gens qui ont demandé à Facebook de retirer les informations puis d'identifier ceux qui ont publié, là, mais c'est encore tout là. Puis ça a été fait vendredi, hein, on est rendu lundi. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du ridicule, ben, il y a des gens qui ont commencé à passer le chapeau pour le grand martyr canadien, Gabriel Nadeau-Dubois. Ainsi donc, pour financer son appel, on a déjà ramassé ce matin 61 000 $. C'est beaucoup, hein? C'est à peu près 35 $ par don. On est à l'approche du temps des fêtes, on va vous demander votre argent pour un paquet de choses. Les familles dans le besoin, les pauvres, la guignolée, les médias font le guignolée aussi le journée, là, où ce qu'ils passent le chapeau, ils passent le bas de laine. Ben, il y a des gens qui ont décidé que ce qui pressait le plus, c'était donner de l'argent à quelqu'un qui a jamais rien payé de sa vie, Gabriel Nadeau-Dubois, et la journée où il y aura une sentence, il n'y aura même pas à assumer les frais de son combat juridique. Le règne du bébé gâté, le règne de l'enfant roi se poursuit et il y a un paquet de coupables à matin qui ont décidé de financer son appel comme si c'était la chose la plus importante au monde. Et il y a différents éléments là-dedans parce que, bon, hier, c'est la CSN qui a choisi d'appuyer Gabriel Nadeau-Dubois en disant qu'elle allait l'aider à financer son appel. Sauf que depuis à peu près une demi-heure, 45 minutes, de plus en plus de gens du domaine juridique font dire que ça coûte pas si cher que ça faire appel. Qu'avec 20 000 piastres, c'était correct. On est rendu à au-dessus de 61 000 $ d'amassé pour Gabriel Nadeau-Dubois et ça continue. Fait que, y a des parties de cotisation syndicale, il y a des particuliers qui sont en train de financer, oui, l'appel, mais autre chose qu'on sait pas quoi. Il y a des associations de professeurs là-dedans aussi. Hein? Ben en fait, la centrale des syndicats, là, ça fait partie des cotisations que des professeurs vont donner. Ensuite de ça, tu avais la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui soutient Gabriel Nadeau-Dubois. T'as aussi la Fédération des enseignantes et enseignants du Cégep, qui est affiliée à la CSQ, qui fait aussi partie du soutien du Saint-Martyr. On disait qu'on était content de ramasser 10 000 piastres pour l'oncologie pédiatrique, ouais, docteur Michon, hein? Aux dernières séries éliminatoires. Ouais. T'es vraiment content, là. Pourquoi t'as dit ça, là? Mais, merci quoi, ça prend, quoi ça prend pour ramasser 61? C'est du genre de cause qui va chercher le monde pour vrai. C'est drôle, hein, des gens qui se disent de la gauche, puis appuyons les pauvres, puis appuyons les causes sociales. Je peux-tu te dire que les causes sociales à l'extérieur de le nombril, ça tombe vite dans le vide, les ça enfants, tombe vite dans l'oubli? Les enfants atteints du cancer ramassent pas autant. Là. On aime mieux... Les vraies victimes. Prendre un bébé gâté qui a la bouche pleine de pudding puis redonner d'autres puddings que de se concentrer sur ce qui devrait être les vraies causes sociales d'une gauche responsable au Québec. Là. En remerciant encore chacun des gens qui ont donné lors des dernières séries éliminatoires, je ridiculise absolument pas ça. C'est que 61 000 pour lui, c'est... Je m'explique pas ça. Là. En dedans de quelques jours. Je m'explique pas. Alors ça. Que, jusqu'à preuve du contraire, il a pas demandé une scène. Non. Est-ce que Gabriel Nadeau-Dubois va avoir la grandeur d'âme, l'intelligence et la logique de prendre ce montant-là et de le remettre à des familles dans le besoin? Et de pas toucher une crise de scène de ce montant-là? Il veut aller en cours, qu'il se débrouille de par lui-même. Ben oui. D'ailleurs, est-ce que cet argent-là pourrait servir pour autre chose que payer les avocats d'un enfant gâté? Est-ce que ce serait le temps que Gabriel Nadeau-Dubois redonne à la société un petit peu? Il me semble que ce serait un bon timing. D'ailleurs, bien content de voir que tous les symboles et toutes les porte-paroles du printemps de marde qu'on a connu sont en train de tomber. Là, ça nous montre que on a essayé de nous faire passer les étudiants au complet comme étant des gauchistes radicaux et extrémistes, alors que c'est peut-être quoi? 1% des étudiants au Québec? Moins que ça? C'est drôle, la classe a implosé en fin de semaine. Trop d'associations étudiantes en sacrement d'avoir passé pour des colons, puis à la limite pour des criminels pendant le printemps. C'est drôle. Amir Kadir, le gars qui se prenait pour Gandhi, n'est plus porte-parole de Québec solidaire. C'est de sa place à Françoise David. Et Gabriel Nadeau-Dubois, lui, a été reconnu coupable. Puis s'est fait passer un savon par le juge. Ça y passe 10 000 pieds par-dessus la tête. Il y a 61 000 $ de ramassé. Mais collectivement, ça nous a fait du bien d'avoir un parent sermonner un enfant. C'est qui joue au SMAP. Hein? Ben oui. Ça fait du bien à la province au grand complet. Une chance que Jean-François Moras est allé... Est allé se battre un peu. Il va continuer, parce que même s'il appelle, Jean-François Moras a décidé que lui aussi continuerait son combat juridique, puis il laisserait pas ça aller, même si au bout du compte, il y a eu gain de cause. Salutations à tous les syndiqués qui ont une partie de vos cotisations en passant qui s'en vont dans le combat de Gabriel Nadeau-Dubois. Il y en a une qui veut nous parler d'ailleurs. Hello, choix, bon matin. Allô? Oui, moi, je travaille à l'Enfant Jésus, fait que nous, on fait partie de la CSM. Oui. Okay. Et présentement, justement, on est en maraudage parce qu'on est en train de s'affilier avec... Saint-François, puis tout ça, puis eux autres sont avec la FTQ. Puis la CSN, ils nous ont pas posé de questions là, quant à savoir si on était d'accord, est-ce qu'une partie de nos cotisations est à payer Gabriel Nadeau-Dubois, puis ses affaires, lui-là. Là. Moi, je me demande à qui je parle là, pour empêcher ça ou peu importe. Là. Tu te sens comment ce matin de savoir que les cotisations syndicales qu'on te prend sur ta paye aux deux semaines, ben c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui va l'avoir pour financer son appel en justice? Honnêtement, je suis en crise parce que je me dis, quand moi, je vais être dans la marde, là, y a-tu quelqu'un qui va faire une levée de fonds comme ça pour une erreur que j'ai faite ou parce que je décide que j'assume pas mes conséquences, tu sais? La réponse, ça va être non. Je veux pas te faire de peine, là, mais t'en auras pas de levée de fonds. Ben non, c'est ça. Fait que moi, je fais pas assez pitié, faut croire. Il y en a beaucoup, j'imagine, qui sont dans ta situation. Hein. Je pense pas que la CSN ait fait du porte-parole pour aller demander à tous les syndiqués si on finançait Gabriel Nadeau-Dubois. Là. Non, puis honnêtement, quand c'était le temps là, des grèves étudiantes, là, dans le plus gros de la grève, moi, j'ai questionné beaucoup à mon syndicat, le bureau local. Là. J'ai questionné pourquoi qu'il y avait de mon argent encore là qui payait des bus pour que les jeunes aillent faire leur crise de bacon à Montréal. Là. Encore une fois, on t'a pas demandé ton avis. Ben non, puis on m'a dit, ben là, c'était pas vraiment un geste politique, donc on n'avait pas besoin de vous demander votre avis. Ben, tu sais, j'avais de la difficulté à comprendre qu'est-ce qu'ils entendaient par là. Fait que dans le fond, ils nous demandent pas notre avis s'ils savent très bien que ça fera pas leur affaire, la réponse qu'ils vont avoir, là, tu sais. Puis moi, l'ingérence des syndicats, là, j'en ai vraiment plein mon casque. Est-ce que ça se fait, ça, se regrouper avec quelques dizaines, quelques centaines d'insatisfaits, puis demander des comptes à votre centrale syndicale, de dire, hey, c'est notre argent que vous dépensez, vous ne demandez pas notre avis, puis on n'est pas d'accord, on veut pas financer ce genre de choses-là. Moi, c'est sérieusement, la seule alternative que je vois pour vous autres, c'est ça. Ben moi, sérieusement, matin, là, avec ce que j'apprends, moi, je me dis, ben en tout cas, moi, c'est sûr que je vais commencer à poser de plus en plus de questions, puis je vais commencer à les déranger de plus en plus, là, au niveau du syndicat, là. C'est la meilleure chose à faire. Si on veut que ça change, faut devenir un grain de sable dans l'engrenage. Faut commencer à poser des questions, faut demander à rendre des comptes. Je le sais que c'est dole faire ça, là, mais si vous le faites pas, c'est sûr qu'il y a rien qui va changer. Mais si on fait comme les étudiants, voir, parce qu'on n'est pas d'accord, puis on se ramasse dans les rues, puis on fait de la merde, tu penses qu'il y a quelqu'un qui va nous défendre encore une fois? Platement parlant, c'est quand on dénonce ça, en même temps, on voit que ça marche. Fait que quand tu veux te faire entendre, tu fais quoi? T'as le goût de prendre des casseroles puis d'aller faire du bruit dans la rue aussi. Ben, c'est ça. Si j'avais pas de jugement, là, la leçon que je retirerais de ce qui s'est passé au printemps, ben c'est, t'es pas d'accord, fous la marde. Ouais. Ben écoute, on va te donner tout ce que tu veux, là. Hey, merci d'avoir appelé. Puis si jamais tu fais des démarches puis que t'as des réponses ou des tentatives d'explication, rappelle-nous, OK? Pas de problème. Merci, bonne journée. Bye-bye. 7h15. Les gens de la CSN... Pas sûr que tous les membres de ces syndicats-là, d'ailleurs, ben du monde qui décide pas là, d'être membre de la CSN, pas sûr qu'ils sont d'accord. En passant, Gabriel Nadeau-Dubois, sur son Twitter, invite les gens à financer son appel. Hein. C'est parce qu'il peut arrêter, là. Semblerait qu'il y ait assez d'argent pour faire un appel, là. Il peut fermer le robinet. Que cette personne-là prenne son argent, que cette personne-là prenne ses moyens et finance son appel elle-même. C'est ça que les gens font en justice. Maurras a pas fait une levée de fonds pour avoir ses cours. Que Gabriel Nadeau-Dubois se batte à armes égales. Et qu'il prenne ce montant-là, le 61 000 $ ramassé. Incroyable, hein? 61 000 $ En moyenne, là, c'est 35 $ par donateur. C'est 20 000 $ par jour. Oh, arrête. C'est 20 000 $ par jour. Ben, tu dis que c'est depuis vendredi. C'est depuis vendredi, on est lundi matin. C'est ça. C'est 20 000 $ par jour. En trois jours. Qu'ils prennent cet argent-là et qu'ils le remettent à une bonne cause. Qu'ils le remettent à des familles dans le besoin, à l'approche de Noël. Que ce montant-là serve au moins un motif intelligent. Tu sais, c'est pas les premiers montants que la CSN donne à Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle pour qui il travaillait cet été, Gabriel Nadeau-Dubois, pour faire du rattrapage parce que, tu sais, il avait été en grève puis il avait pas pu travailler. C'était pour la centrale syndicale. Hein? Il était pas mal contractuel pour la centrale syndicale. En ligne, quelqu'un qui est sûrement pas très heureux. Que son adresse et que son numéro de téléphone circulent sur plusieurs sites Facebook. C'est l'ex de Jean-François Maurras. On va taire son identité pour des raisons bien évidentes. Hey, salutations, comment ça va? Ben, j'ai eu des meilleurs moments. J'imagine, hein? C'est à partir de quand que tu as su que ton adresse et ton numéro de téléphone se promenaient sur Internet? Bon, c'est Jean-François qui m'a appelé, je crois, vendredi soir pour m'informer que ça circulait sur Internet. J'ai immédiatement appelé le 911 de la Ville de Québec mentionnant le fait. Mm-hmm. On m'a dit qu'un genre de police passerait plus fréquemment dans mon patrouille dans ton secteur, oui. Est-ce que tu as eu... J'ai vu un genre de police, j'ai même parlé aux policiers, ils m'ont assuré qu'ils faisaient une surveillance. Est-ce que tu as eu des appels, est-ce que tu as eu des événements au cours de la fin de semaine? Non, j'ai absolument rien eu. Jean-François m'a rappelé hier à 11h le matin pour me dire qu'il y avait supposément une manifestation devant chez moi, chose qu'il n'avait pas. En tout cas, s'il en faisait une, il en faisait pas la bonne adresse. Mais il reste quand même que c'est quand même stressant et inquiétant. Ben, c'est des menaces, c'est de l'inquiétude qui est là, puis c'est quelque chose qui plane tout le temps, puis ça n'a pas d'affaire à se retrouver sur Internet, là. Juste pour vous dire, le printemps passé, c'est pas une nono, mais à chaque fois que je me levais le matin pour aller travailler, j'en regardais en dessous du char, là. Ben, c'est parce que on a fait beaucoup d'intimidation, puis t'es pas le premier, hein. Je faisais la liste tantôt, puis j'essayais de me rappeler quelles adresses privé, on avait rendu public justement pendant le printemps des carrés rouges puis des manifestations. Bon, Jean Charest, c'est le premier ministre, passe encore. Richard Martineau, c'est quelqu'un qui écrit dans le journal. Spoyable. Matricule 728 pendant l'été, une police qui a trop brassé les étudiants et les carrés rouges au goût de certains. On s'est retrouvé avec son adresse qui a été rendue publique sur des sites. Et puis là, c'est toi, un parfait inconnu qui a eu le malheur de fréquenter une personne qui a voulu faire valoir son droit devant la justice et qui a commis le crime odieux de gagner sa cause. Puis toi, tu te retrouves une victime de tout ça. Ben, jusqu'à, en fait, seulement parce que quand Jean-François m'a informé que sur notre adresse, ancienne adresse, qui est mon adresse actuelle aussi, circulait sur Internet, moi, j'ai fait une recherche pour essayer de trouver sur Twitter, Facebook, la mention. J'ai vu que beaucoup de monde disait que c'est dégueulasse qu'on publie le téléphone et l'adresse, mais j'avais pas encore trouvé le lien exact. Sauf ce matin avec le journal de Québec, j'ai trouvé la fameuse page en question. Ça, je trouve ça vraiment de bas étage d'un journal qui a un service juridique puis qui aurait dû juste mentionner que ça se passait sur Internet sans nommer exactement le... Parce que là, toi, ta peur à partir de ce moment-là, c'est qu'il y ait pas mal plus de monde qui connaissent ton adresse puis ton numéro de téléphone. Oui, puis avant, comme je vous disais tantôt, bon, on parle d'internautes un peu qui manquent de jugement, mais ça, c'est une petite gang entre eux autres qui s'amusent à diffuser l'adresse. Mais là, on parle d'un quotidien qui est lu à grandeur de la province, puis que Internet, c'est un petit peu n'importe qui à ça aujourd'hui. Là, t'es-tu renseigné à savoir si juridiquement tu peux faire retirer ces informations-là du site Facebook? Moi, ce matin, ben, en trouvant le lien Facebook, j'ai cliqué sur Facebook disant que c'est une attaque personnelle à moi. Mm-hmm. Fait que là, je vais attendre que Facebook réagisse. J'ai appelé Jean-François pour qu'on aille ensemble porter plainte à la police. Oui. On va le faire au cours de la journée. Et moi, je vais prendre un avocat sûrement pour attaquer le journal en diffamation ou quelque chose du genre. Là. Vous allez vous battre? Ben là, j'ai plus le choix parce que, je veux dire, moi, je fais quoi, là? Mon appartement, je m'en loue un autre puis j'en paye deux ou je fais quoi, là? Vous êtes un peu pogné là-dedans malgré vous autres, là. Ouais, c'est ça. Avec ma séparation avec Jeff, j'ai décidé que je gardais l'appartement, mais là, je suis comme pogné à rester là, puis je peux pas déménager du lendemain au matin pour m'en trouver un autre. Puis ça, c'est l'autre affaire, là. Avec un ex, normalement, ben des affaires à gérer, là, déjà, à la base, là, c'est de rajouter tout ça par-dessus, ça doit pas être l'idéal, là. Non, encore une chance qu'on ça part quand même en assez bon terme, là, mais... En tout cas, vous êtes pogné pour être en bon terme, que vous le vouliez ou pas, là, pour encore une couple de jours. Pas encore des points négligeux, si je peux dire, mais je veux dire, là, on n'a comme pas le choix de se voir pour régler certaines affaires qu'on est involontaire là-dedans. Regarde, ce qui vous arrive à vous deux, c'est complètement cheap, c'est complètement injuste. Je vous souhaite bon courage, puis si jamais vous avez besoin d'un coup de main, ben faites signe. C'est beau. Merci beaucoup. Salut. 7h21, l'ex de Jean-François Maurras, son adresse circule sur les réseaux sociaux des gens qui... ne recule devant rien pour intimider, pour baver, puis fuck les lois. D'ailleurs, Facebook devrait réagir très rapidement là à ce genre d'histoire-là. Je trouve ça long, 4 jours. C'est très long. Je comprends que c'est juste 2 jours ouvrables, là. Mais c'est parce que les réseaux sociaux, ça a des très beaux avantages. Mais quand il arrive des situations comme ça, devrait réagir un petit peu plus vite. Puis le journal, ben au niveau légal, regarde, j'ai pas une notion, puis je sais pas comment ça marche, là, mais je pense que ça vaut au moins des excuses. Personnellement, je pense que ça vaut au moins des excuses, parce que tu veux pas donner trois fois plus de troubles à un gars qui en mérite déjà pas au départ. Non, c'est ça. Il a pas couru après, là. C'est l'ex du gars qui a commis le crime odieux de faire valoir ses droits en justice. Et double crime, le juge a décidé qu'il avait raison. Ah, ce système de justice, hein. Terrible, hein. Terrible. Yeah. Des gens qui ne reculent devant aucune saloperie. Parce que le petit nombril est tellement plus important que le nombril des autres. 7h22. Regarde, dans le show du matin, on fait une courte pause, on vient.